France Inter. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'histoire d'un jeune intellectuel français parti faire la guérilla en Bolivie, Régis Debray. Au début des années 60, le mouvement de décolonisation et la guerre froide produisent des conflits à promener à travers toute la planète. En France, des centaines de milliers d'appelés sont envoyés en Algérie pour cette guerre qu'on ne veut pas nommer. À Paris, Régis Debray est un jeune étudiant brillant, sorti premier du concours de l'école normale supérieure. Après des voyages à Cuba et en Amérique du Sud, le jeune marxiste théorise la révolution cubaine dans un article qui lui vaudra une invitation de Fidel Castro à La Havane pour assister à la conférence tricontinentale en 1965. Régis Debray ne reviendra pas en France et abandonne son poste de professeur. Entraîné par la guérilla et pour la guérilla, il est envoyé en Bolivie. Arrêté le 20 avril 67, il risque la mort, des militaires veulent l'assassiner, ou la prison, le gouvernement veut le faire condamner. En France et dans le monde, un large mouvement de soutien se met alors en place, avec notamment Jean-Paul Sartre, André Malraux et François Mauriac. Pendant que Debray copie dans une prison, les militaires boliviens recherchent activement un autre membre de la guérilla, un certain Ernesto Guevara, le Che. Notre invité aujourd'hui, Jean Mendelssohn, ancien directeur des archives diplomatiques, diplomate spécialisé de l'Amérique latine, ambassadeur de France à Cuba, puis ambassadeur de la présidence française de la COP21 pour l'Amérique latine. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Adrien Mora, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. Il faut que vous sachiez que ce garçon, oui, s'est pris d'une passion pour l'Amérique latine, mais oui, c'est pour toute l'Amérique latine. Notre ami a été arrêté par le gouvernement bolivien. First films of Cuban rebel leader Fidel Castro. And... Que con combatientes cubanos podrá contar. Aquí Radio Rebelde transmitiendo desde un punto de la Sierra Maestra. Je fais ce que tout journaliste devrait faire, ce que vous tous vous devriez faire maintenant, c'est-à-dire aller dans la montagne et parler avec les guérillos directement. Il est totalement innocent, il faut qu'on le sache en France, totalement. Moi ça me paraît un procès du Moyen-Âge. Oui. J'ai l'impression qu'on va faire le procès de Jeanne d'Arc. Ne dramatisons pas, moi je crois que c'est le procès des temps modernes. Une certaine foule hurle tout à coup la mort pour Debray, la mort pour Debray, mort aux guérillas. Le gouvernement a excité la colère, a excité la rancœur de ces familles contre moi. Que nosotros estamos seguros porque hemos visto la actitud de Debray. En la propia Bolivia, gran número de intelectuales y artistas de ese país han organizado una campaña exigiendo del rey. Je crois qu'on a beaucoup trop parlé de l'affaire Debray. 3 janvier 1966, Cuba. C'est l'ouverture de la conférence tricontinentale. À La Havane, où Fidel Castro a pris le pouvoir en 66, des militants venus d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine sont rassemblés pour cette grande réunion du mouvement tiers-mondiste. Mais il est endeuillé par la disparition de son initiateur, Meli Ben Barka, enlevé à Paris quelques semaines plus tôt. Au programme de ce rassemblement, des conférences et des rencontres pour exporter la révolution, car il s'agit de combattre le colonialisme et l'impérialisme partout dans le tiers-monde. Logés dans les hôtels de la capitale cubaine, les représentants se croisent, discutent et profitent de toutes les réjouissances de l'île. Parmi les invités, Régis Debray et sa compagne vénézuélienne Elisabeth Burgos disposent d'une place de choix dans les étages supérieurs non loin de Fidel Castro. D'ailleurs, parfois, le leader Maximo vient discuter avec eux jusque tard dans la nuit. Et le lendemain, infatigable, intarissable, il fait ce qu'il adore, des discours. Voici un extrait de celui qu'il prononce le 17 janvier 1966 à l'issue de la conférence tricontinentale. Et c'est pourquoi nous disons et proclamons que le mouvement révolutionnaire peut compter sur des combattants cubains dans n'importe quel coin de la Terre. Au début de cette année 1966, Fidel Castro s'est imposé comme un modèle pour de nombreux militants. Et il compte bien exporter la révolution en Amérique latine, lui qui a réussi à la faire chez lui 8 ans plus tôt. Décembre 56, mer des Caraïbes. Le yacht Kramna, un vieux bateau retapé en vitesse, vogue vers la côte sud-cubaine. À son bord, 82 guérilleros partis faire la révolution. Parmi eux, Fidel et son frère, Raúl Castro, eux sont cubains. Mais il y a aussi un jeune médecin argentin, Ernesto Guevara. Ils ont une volonté de faire et un idéal à défendre. Mais la météo est contre-révolutionnaire. Le bateau manque de chavirer et débarque avec 2 jours de retard sur la plage de Las Coloradas. Très vite attaqué par l'armée, la guérilla est décimée. Ils ne sont plus que 12 à pouvoir se réfugier dans la Sierra Maestra. Fin de partie ? Non. Hors de question pour Fidel Castro qui déclare « Maintenant, nous allons gagner la guerre ». Et semaine après semaine, les troupes de Fidel grossissent et gagnent des batailles. La télé américaine se rend sur place pour un reportage sur cette guérilla qui commence à faire parler d'elle dans le monde entier et qui s'adresse aux Cubains sur les ondes de Radio Rebelde. Premières images du chef rebelle cubain, Fidel Castro et ses troupes de déguenillés, juste avant les combats dans les 6 provinces cubaines. Cette bande d'environ 1000 hommes réside depuis 16 mois dans la Sierra Maestra, à l'extrémité orientale de l'île. Radio Rebelde, organo oficial del movimiento 26 de julio. Pendant ce temps, et à 7500 km de la Sierra Maestra, le jeune Régis Debray poursuit une scolarité d'excellence. Lauréat du concours général de philosophie à 16 ans, élève au prestigieux lycée Janson-Sailly à Paris, il est cacique du concours de l'école normale supérieure à 19 ans, c'est-à-dire premier. Petit chanteur à la croix de bois, il a baisé la main du pape Pie XII lors d'une visite à la basilique Saint-Pierre de Rome. Il faut dire que ses parents ont de l'entre-gens. Le père, Georges, est un brillant avocat. La mère, Jeannine, est conseillère municipale de Paris. Sous l'influence de son professeur Louis Althusser, le jeune bourgeois devient marxiste et adhère au Parti communiste. À 20 ans, il fait une apparition dans le film « Chronique d'un été » tourné en 1961 par Jean Rouch et Edgar Morin. D'ailleurs, Régis Debray n'hésite pas à croiser le fer avec le grand sociologue, de 20 ans son aîné, sur la question de la guerre d'Algérie. On s'installe dans une sorte d'habitude consentie, dans une sorte de consentement à un état de fait. En fait, il se passe là-bas des crimes où, qui ne sont pas des erreurs, qui sont des faits et que la plupart des gens refusent de voir. Le ton est déjà assuré. Et Debray, le pétulant, ne se limite pas à penser de manière abstraite. Non, il s'est déjà frotté au monde. Lors d'un voyage aux États-Unis, il découvre la dure réalité de la ségrégation raciale. Peut-être le début de sa défiance vis-à-vis des Américains. En 61, il débarque à Cuba. Là-bas, Fidel Castro et Che Guevara ont réussi la révolution en renversant Fulgencio Batista, le dictateur à la solde des États-Unis. Le jeune Régis, qui ne parlait quasiment pas espagnol, se retrouve vite à coordonner une campagne d'alphabétisation sur l'île. Peut-être le début de son attirance pour l'Amérique latine. Toujours est-il qu'il doit revenir à Paris, retrouver les bandes de Normal Sup et préparer l'agrégation. Mais il a attrapé le virus de l'aventure. Et il s'envole en 1963 pour le Venezuela en compagnie de Peter Kasovic, le père de Mathieu. Ensemble, ils partent réaliser un film sur la guérilla dans ce pays. Comme accréditation, ils ont une lettre de mission de la revue Révolution, dirigée par un certain Jacques Vergès. Sur place, Régis Debray rencontre Elisabeth Burgos, une militante marxiste francophone, avec qui il va sillonner l'Amérique du Sud en autocar, en stop, en train, à pied ou à dos de mulet. Court séjour en prison, rencontre militante, aventure qui les mène jusqu'en Bolivie. Nous y reviendrons, et lui aussi. Régis Debray rentre en France pour préparer l'agrégation, donc l'agrégation de philosophie avec de nouvelles idées. Un mélange entre un marxisme-léninisme traditionnel et un nationalisme sud-américain. Pendant ce temps, la révolution tiers-mondiste est en marche. En tout cas, c'est ce qu'essaie de déclencher l'une des figures les plus emblématiques de ce mouvement international, Che Guevara. 11 décembre 1964, New York, siège des Nations Unies. Le médecin naturalisé cubain est devenu ministre de l'industrie de son pays d'adoption. À la tribune, le Che prononce un discours véhément contre l'impérialisme américain et établit le parallèle entre plusieurs oppresseurs. La bestialité de l'impérialisme. La bestialité est sans limite, elle n'a pas de patrie attitrée. La bestialité des hordes hitlériennes est identique à la bestialité nord-américaine d'aujourd'hui. Tout comme la bestialité des parachutistes belges est identique à celle des impérialistes français en Algérie, car c'est l'essence même de l'impérialisme qui transforme les hommes en bêtes féroces, avides de sang. 1965, Régis Debray devient agrégé de philosophie. Il est envoyé dans un lycée à Nancy pour son premier poste. La même année, il publie dans la revue des Temps modernes un article intitulé « Le castrisme, la longue marche de l'Amérique latine ». En voyage à Alger, Che Guevara tombe sur cet article et le transmet à Fidel Castro qui s'empresse d'inviter le jeune intellectuel français à la conférence tricontinentale organisée à La Havane, comme nous l'avons raconté dans la scène d'introduction. Que se passe-t-il ensuite pour Régis Debray et sa compagne Elisabeth Burgos? Eh bien, le couple décide de s'installer à La Havane. Régis Debray abandonne son poste de professeur, mais ne perd pas son agrégation grâce au réseau de sa mère qui lui obtient un poste de prof à l'université de Cuba. Che Guevara, lui, n'y est plus. Il s'est lancé dans un mouvement révolutionnaire au Congo qui a vite échoué et vit désormais dans la clandestinité. Régis Debray, lui, débute une formation de guérillero dans les camps d'entraînement cubains avant d'être envoyé en Bolivie pour faire des repérages. Fidel Castro envisage en effet de faire de la Bolivie une plateforme à laquelle appartiendraient et d'où repartiraient des noyaux de foyers guérilleros brésiliens, péruviens, argentins, colombiens, un hub d'exportation de la révolution en quelque sorte. Régis Debray repère deux zones propices à l'implantation d'un foyer révolutionnaire et il transmet sa hiérarchie. En mars 67, il est de passage à Paris. Il vient de publier chez l'éditeur François Maspero l'ouvrage intitulé « Révolution dans la révolution », livre dans lequel il développe la théorie du fauquisme, à savoir l'ouverture de multiples fronts de guérilla rurale menés par de petits groupes de militants armés, en misant sur l'adhésion de la paysannerie pour ensuite prendre d'assaut les villes. Et en somme, c'est ce qui s'est passé à Cuba. Lors de son séjour, sa mère, Janine, lui apprend qu'elle est invitée à La Havane au Festival international de danse. Rendez-vous est pris. Le 18 avril 67, Janine et Georges Debray, les parents de Régis, débarquent sur l'île. Mais leur fils n'est pas là pour les accueillir, non. On leur dit qu'il est dans un camp de canne à sucre pour travailler avec le peuple et montrer l'exemple. Dont acte. Mais le samedi 22 avril, l'ambassadeur de France convoque le père de Régis Debray. Il a une nouvelle grave à lui annoncer. De retour vers la voiture où elle attend sa femme, Georges lui annonce « Du courage, Régis est mort ». L'information est confirmée dans une dépêche AFP, mais les officiels cubains disent aux deux parents que c'est de l'intoxication. Oui, ils ont menti et ils le concèdent. Régis n'est pas dans un champ de canne à sucre, il est en Bolivie. Janine Debray appelle alors Dominique Ponchardier, ambassadeur français à La Paz, qui lui dit « Oh, ce n'est pas sûr du tout, votre fils n'est peut-être pas mort. » Montagne russe émotionnelle. C'est dans ce contexte que les parents de Régis rencontrent Elisabeth, sa petite amie vénézuélienne, dont ils ignoraient totalement l'existence. Ils font également la connaissance de Fidel Castro, qui leur rend une visite. Curieuse rencontre entre le leader Maximo en treillis militaire et ses deux bourgeois parisiens en tailleur Chanel et costume cravate. Alors le dirigeant cubain leur lance « Il faut que vous partiez tout de suite pour La Paz. Vous allez arranger ça, Régis n'est pas un guérillero. » Le 27 avril 1967, sur France Inter, on apprend l'arrestation d'un jeune Français en Bolivie. France Inter, il est 7h. « Madame Alexandre Debray, conseillère municipale de Paris, est partie pour La Paz. On sait que son fils, Régis Debray, a été arrêté au milieu de guérilleros boliviens par les troupes du gouvernement de La Paz. Nul ne sait ce qui lui est reproché. Après avoir été un universitaire extrêmement brillant, promis à l'école normale supérieure et agrégé de philosophie, il s'était inscrit au Parti communiste, puis, enthousiasmé par l'expérience castriste, il était parti pour Cuba. Les autorités boliviennes n'ignorent rien de tout cela, et si elles arrivent à prouver que Régis Debray participait à la guérilla, celui-ci risque d'être fusillé. De retour en France, les réseaux de solidarité s'activent. Et il se trouve que la grand-mère paternelle de Régis Debray est une proche de Jacques Vendroux, le maire de Calais, pas le journaliste, le beau-frère du général de Gaulle. Bref, il l'appelle pour solliciter son aide et, chose exceptionnelle, le président de la République prend sa plume pour demander la libération du jeune intellectuel marxiste au général Barrientos qui dirige la Bolivie. Ce dernier, qui connaît et qui respecte de Gaulle, lui répond tout de même « Les erreurs de jeunesse ne peuvent servir de voile protecteur pour atténuer les désordres qui sont commis contre l'humanité, contre la société, contre la vie et la sécurité des citoyens d'un peuple pacifique comme le peuple bolivien. » Mais Barrientos comprend que ce jeune Français, ce n'est pas n'importe qui. 12 mai 67, sur les murs de La Paz, des affiches avec une grande tache rouge fleurissent. On peut y lire cette logorée : ceux qui assassinent les citoyens d'un pays libre et indépendant méritent la mort. Le philosophe criminel Régis Debray doit payer pour ses délits d'assassinat par la mort. Arrivé sur place, la mère de Régis est en tous ses états. En compagnie de l'ambassadeur Dominique Ponchardier, elle explique qu'elle ne partage pas les idées de son fils, mais qu'elle vient le sauver. L'ambassadeur reçoit alors un coup de fil et lui dit « Je vais vous parler comme un soldat. Votre fils vient d'être fusillé. » Jeannine s'effondre. Mais la nouvelle est démentie. On lui annonce en fait qu'il s'est évadé. Elle devient folle quand il s'agit de son propre fils. À Paris, un meeting de soutien organisé par la Ligue des droits de l'homme est organisé à la Mutualité. Pour défendre Régis Debray, on retrouve notamment l'UNEF et le Parti communiste, ainsi que des personnalités telles que Pierre Vidal-Naquet et Alain Gesmard. Et devant 2000 personnes, Jean-Paul Sartre, en tant que directeur de la revue des temps modernes et divinité intellectuelle pour tout ce que la France compte de rêveurs de grand soir, prend la parole. La parole est à Jean-Paul Sartre. Régis Debray, notre ami, a été arrêté par le gouvernement bolivien. Nous ne savons toujours pas ce qu'on lui reproche. Pourtant, le général Barrientos parle de le fusiller. Et cela dans un pays où la peine de mort est supprimée. En vérité, Régis Debray est transporté chaque jour dans un nouveau lieu de détention. Il est tabassé et subit même un simulacre d'exécution. Un Américain, certainement agent de la CIA, l'interroge longuement pour obtenir des renseignements sur la guérilla. Au bout de 2 mois, être trimballé à travers le pays, il atterrit dans la prison militaire de Camiri, au sud-est. Les autorités boliviennes l'autorisent à parler avec des journalistes. Il fait une déclaration sur le Che. Che Guevara est vivant, bien vivant. Il est en Amérique latine. Et même s'il a pu être à un moment donné en Bolivie, sa mission historique est à l'égal de celle de Fidel Castro à l'échelon d'un continent tout entier. Et c'est celle de dire non à l'oppression, à l'humiliation qui se confond pour la majorité des peuples avec le pouvoir officiel des États-Unis. Pour le gouvernement bolivien, l'arrestation de Régis Debray est une véritable aubaine. Le général Barrientos le traite d'aventurier et d'agent à la solde de Fidel Castro. Et surtout, il explique que cette guérilla est une importation de l'étranger et qu'il tient un coupable. La famille de Régis est rassurée, il est bien vivant. Dans une lettre du 18 août 67, il écrit à sa mère « Je ne sais pas ce que contient le dossier. » J'ai simplement reçu un bref énoncé des charges, dont l'exagération même m'incite plus à en sourire qu'à en pleurer. En gros, mon livre, Révolution dans la Révolution, contiendrait tous les plans stratégiques et tactiques de la guérilla bolivienne, dont j'aurais été surveillé moi-même la bonne application. En vue de son procès, il prépare sa ligne de défense. Il effectuait un reportage sur la guérilla bolivienne, un point c'est tout, et il l'explique à des journalistes lors d'une conférence de presse. J'ai fait ce que tout journaliste devrait faire, ce que vous tous, vous devriez faire maintenant, c'est-à-dire aller dans la montagne et parler avec les guérillons, dites directement, au lieu d'écrire dans vos salles de rédaction. Et si vous êtes de gauche en plus, monsieur, c'est votre devoir. Régis Debray retourne dans sa cellule où il passe 23h30 sur 24 tous les jours dans une salle obscure. Il n'a que des chandelles pour l'éclairer. Un peu. Trouara. Pendant ce temps, les forces spéciales boliviennes, entraînées par l'armée américaine et la CIA, ratissent la région du sud-est du pays, mais le Che et ses camarades guerrieros restent introuvables. Vous écoutez Affaires Sensibles, aujourd'hui les tribulations de Régis Debray en Amérique du Sud. France Inter, Affaires Sensibles. Août 1967. Le célèbre chroniqueur judiciaire Frédéric Potcher, qui n'a besoin de personne pour entretenir sa gloire, il se débrouille très bien tout seul, saute sur l'occasion et débarque dans la ville de Camiri, au sud de la Bolivie, capitale pétrolière, nichée dans la jungle et accessible seulement par avion, et encore, quand il fait beau. Dans cette ville créée 30 ans plus tôt, où se côtoient richesse et pauvreté, 22 000 habitants assistent avec étonnement à l'arrivée de journalistes venus du monde entier pour couvrir le procès de Régis Debray. Les soldats cherchent Che Guevara et les proches de Régis attendent. Ils attendent un procès qui ne vient pas. La peine de mort a été abolie, mais on parle de changer la constitution pour pouvoir exécuter les guerrieros. On évoque également la possibilité d'un échange entre Régis Debray et des militants anticastristes détenus à Cuba. Bref, c'est le flou qui règne, comme l'explique Frédéric Potcher lui-même sur France Inter le 9 septembre 1967. Pourquoi répand-on par la voix de la presse des rumeurs extraordinaires sur les crimes du jeune castriste communiste marxiste français? Avons-nous tort de voir dans ces informations sensationnelles, mais jamais confirmées de façon sérieuse, une véritable campagne d'intoxication de l'opinion publique bolivienne? Après les menaces d'individus non identifiés qui se sont approchés de la ville, à Camiri, un couvre-feu est décrété par les autorités militaires qui sont sur les dents. Régis Debray, lui, peut compter sur le soutien de sa famille. Sa mère a fait le déplacement en Bolivie. Elle a pu lui rendre visite en prison. Elle livre ses impressions au micro de France Inter. Il est magnifique. Il a un moral étonnant. Il est sublime. Et il est totalement innocent. Et il sait qu'il est à l'avance condamné. condamné à quelle sentence? Sans doute au maximum 30 ans de prison. Régis Debray reçoit également la visite en prison de Frédéric Potcher, qui a l'autorisation d'emporter une caméra. Alors avec son équipe, il filme un dialogue entre le père, Georges Debray, avocat, et son fils. Extrait. Moi, ça me paraît un procès du Moyen-Âge. Oui. J'ai l'impression qu'on va faire le procès de Jeanne d'Arc. Oui. Puisqu'on m'a demandé de le faire abjurer, et que j'ai pas voulu le faire abjurer. Encore que j'ai pas ses opinions, hein. Oui, mais je sais. C'est pas pour ça que je vais faire abjurer mon fils. Régis, qu'est-ce que vous dites de ce que vient de dire votre père, là? Les yeux du Moyen-Âge et tout ça. C'est votre avis? Oui, enfin, dramatisons pas. Moi, je crois que c'est le procès des temps modernes. Ce que mon père ignore, c'est que le Moyen-Âge règne dans beaucoup de pays, c'est tout. Vous voyez, ah oui, oui. Voyez, une question de génération. Vous avez beau être un grand avocat. Ben non, mais c'est une question de génération. Depuis que quelques semaines que je suis ici, j'avoue que je me rapproche de lui. Je me rapproche de lui. Et vous savez, sa mère, la réac numéro un, comme il l'appelle, oui. Ben elle se rapproche aussi de lui depuis le 6 mai qu'elle est ici. Oui. Elle voit des choses qu'elle ne soupçonnait pas. Régis Debray sait bien que toute cette agitation médiatique lui offre une sorte d'assurance-vie. Il ne sera pas lâchement exécuté par un militaire dans sa cellule, une menace pourtant sérieuse pendant de longues semaines. Désormais, l'opinion française et internationale connaît son histoire. Pour autant, il ne s'est fait aucune illusion sur le verdict. Il le dit et il le répète, il sera condamné à la peine maximale de 30 ans de prison. Il sait aussi que toute l'opinion publique bolivienne est contre lui. Et quand on l'accuse d'avoir porté les armes, Régis Debray s'en défend. Là, il plaidera non coupable. Il dit que les guérilleros qu'il accuse ont été achetés et que lui aussi, on a essayé de l'acheter. Mais toujours pas de date pour le procès ni de lieu. On évoque La Paz, Sucre, mais finalement c'est Camiri, le lieu de détention de Régis Debray qui est choisi. Il sera donc jugé ici, dans la bibliothèque du syndicat pétrolier, par un tribunal militaire, ce qui n'est jamais rassurant. 26 septembre, 8h du matin, c'est l'ouverture du procès Debray. Frédéric Potcher raconte comment la foule est déchaînée à l'extérieur du bâtiment, massée contre les grilles. Elle crie « La mort pour Debray, mort aux guerrieros ». Les avocats de Régis et ses co-accusés, notamment le peintre argentin Ciro Bustos, plaident l'incompétence du tribunal militaire pour juger cette affaire. Arguments qui sont vite écartés. Et la parole est donnée directement au procureur Iriarte, qui, cas particulier, réclame dès le premier jour 30 ans de prison pour les accusés. C'est un procès à l'envers avec le réquisitoire au début. Étrange justice. Justice militaire. Le 10 octobre, le tribunal annonce une nouvelle qui va se propager dans le monde entier. Che Guevara a été capturé et tué. Frédéric Potcher raconte. Et tout à coup, un cri du procureur. La justice est de notre côté. Parmi les 7 bandits qui viennent de tomber à Higueras, se trouve Che Guevara. Son cadavre a été montré aux journalistes. La radio de la Havane confirme la mort du Che. On se montre le corps du Che. Le Che a été mortellement blessé dans une embuscade. Régis Debray écrit alors à son avocat, Maître Novillo, « Je réclame l'honneur d'être considéré comme solidaire des combattants. Ma plus grande douleur est de n'être pas mort aux côtés du Che. » 17 novembre 67, sans surprise, Régis Debray et l'Argentin Ciro Bustos sont condamnés à la peine maximale, 30 ans de prison. Régis Debray accuse le coup et confie ses craintes à un journaliste. Il a peur d'être exécuté par un militaire dans sa cellule. La perspective qu'il soit échangé avec des anticastristes détenus à Cuba s'éloigne également. Dans un discours prononcé le 12 janvier 68 au théâtre Chaplin, Fidel Castro vante en effet le courage et l'attitude de Régis Debray lors de son arrestation et de son procès, mais il écarte l'idée d'un échange. Desde luego. Bien sûr, nous sommes sûrs, parce que nous avons vu l'attitude de Debray, parce que nous avons vu sa formidable défense, parce que nous avons vu la sérénité, le courage et l'intégrité avec lesquels il a démasqué ceux qui le jugeaient. Nous sommes sûrs que Régis Debray n'acceptera jamais un tel échange. Si l'échange de Régis Debray semble exclu, il peut se réjouir d'une chose. Sa compagne Elisabeth Burgos est autorisée à le voir, et même plus, ils vont pouvoir se marier en prison. Le 12 février, en petit comité, un juge célèbre leur union. La cérémonie religieuse est célébrée à 21h, le couple a même droit à une coupe de champagne. Dans le magazine télévisé 5 colonnes à la une, la jeune militante vénézuélienne, nouvelle Madame Debray donc, se confie. Là, c'est maigri, mais il est en bonne santé et surtout son moral est très bon. Avant la cérémonie, je l'ai vu pendant un quart d'heure à peu près. Et puis après, on s'est revu pour la cérémonie le soir. C'est passé à 8h. Et après, j'ai eu le droit à le voir tous les jours, 10 minutes par jour, toujours avec le magnétophone. 1968, pendant que le vent de révolte souffle aux quatre coins du globe, Régis Debray est toujours derrière les barreaux, à Camiri. À Paris, étudiants et travailleurs sont dans la rue. Aux États-Unis, on manifeste contre la guerre du Vietnam. Et à Prague, les chars soviétiques écrasent le printemps du même nom. Mais ce n'est pas pour autant que Régis Debray est oublié. En décembre 69, en effet, une cinquantaine d'artistes et d'intellectuels signent une lettre adressée au général Orlando Candia, nouveau président bolivien. On peut y lire « La plupart d'entre nous ne partagent pas les opinions politiques de Régis Debray. Nous sommes pourtant unanimes à reconnaître la sincérité et la générosité qui l'ont animé dans leur mise en pratique. » Parmi les signataires, on retrouve Charlie Chaplin, Samuel Beckett, Louise Buñuel, Aimé Césaire, Pablo Picasso, Igor Stravinsky ou encore Alberto Moravia. Avec le soutien de Claus Lanzmann, l'incontournable Jean-Paul Sartre a réussi à réunir autour de lui deux figures intellectuelles françaises qui ne sont pas de son bord, François Mauriac et André Malraux. Dans leur lettre de soutien, il n'y a aucun parti pris politique. Non, seulement la volonté de sortir Régis Debray des geôles boliviennes. François Mauriac d'abord, André Malraux ensuite, livrent leur témoignage à la fin de l'année 69. Il m'importe très peu de savoir que ses opinions politiques ne sont pas les miennes. Je ne sais qu'une chose, c'est que c'est un jeune Français, un jeune écrivain français, un jeune philosophe français, il faut lire les choses comme elles sont, qui est en train de mourir, car il ne restera pas 30 ans dans ce cachot sans aucune ouverture sur le dehors. C'est un condamné à mort. Cet homme a essayé de tirer de son mieux les conséquences de ce qu'il pensait. Dans ces conditions, il a pris un risque, dont nous savons qu'il est à l'heure actuelle un risque de mort, et que sans l'intervention du général de Gaulle, il l'eût été beaucoup plus tôt. Et nous devons, me semble-t-il, essayer de lui venir en aide. Voilà. 23 décembre 1970, à minuit, deux officiers pénètrent dans la cellule de Régis Debray. Il y a là un général et un lieutenant. Ils apportent une lettre dans laquelle est écrit « Les citoyens étrangers Régis Debray et Ciro Bustos seront conduits hors des frontières du territoire bolivien. » Voilà. Régis aura fait 3 ans, 8 mois et 3 jours de prison. Une éternité. Les deux sont emmenés à l'aéroport, direction le Chili. Régis Debray a bénéficié du changement de dirigeant en Bolivie. À l'annonce de sa libération, sa femme Elisabeth n'ose pas y croire. Et elle s'écrie « J'espère que cette fois c'est vrai ». En près de 4 ans, sa mort et sa libération ont été annoncées tant de fois que pour sa mère Jeannine, c'est le même sentiment qui règne entre incrédulité et soulagement. Elle se confie au micro de France Inter qui annonce la nouvelle aux Français. Voici Interactualité édition de 13h, Yves Mourouzi. Bonjour. Trois ans et un mois après sa condamnation en novembre 1967 à une peine de 30 ans pour participation à la guérilla en Bolivie, Régis Debray a été libéré ce matin. Bon, je pense que peut-être ce soir, il va dormir dans un lit Il ne sera plus derrière des barreaux. C'est pas possible, vous comprenez, depuis ça, j'attends ça depuis près de 4 ans. Ça a été l'essentiel de ma vie. J'ai travaillé, je ne sais pas dans quelles conditions. J'adore Régis. C'était pour moi un calvaire. Alors je ne peux pas imaginer qu'il soit fini. Régis Debray quitte sa prison. Il a 30 ans et une jeunesse déjà bien remplie. Compagnon de Che Guevara et de Fidel Castro, théoricien de la guérilla marxiste, détenu politique, une nouvelle vie maintenant s'offre à lui. Quand il revient en France, la révolte de mai 68, qui ne s'est pas transformée en révolution, est passée. De Gaulle est mort, Debray devient père de famille et auteur de nombreux ouvrages. Dans le même temps, la conscience tiers-mondiste est sérieusement mise à mal par les blocs américains et soviétiques. Fidel Castro se place à contre-cœur sous l'égide de l'URSS. Régis Debray, lui, mise sur un autre homme, François Mitterrand, et il devient son chargé de mission pour les relations internationales. En 1982, il arrive à convaincre le chef de l'État de lancer une traque en Bolivie, celle de Klaus Barbie, mais c'est une autre histoire. Vous écoutez France Inter, aujourd'hui l'histoire de Régis Debray en Amérique du Sud dont nous parlons avec notre invité Jean Mendelsohn. Bonjour. Bonjour. Ancien directeur des archives diplomatiques, diplomate spécialiste de l'Amérique latine, vous avez été ambassadeur de France à Cuba, puis ambassadeur de la présidence française de la COP21 pour l'Amérique latine. On a beaucoup parlé de la tricontinentale, rappelons ce que c'était exactement et quels étaient ses enjeux. C'est à une époque où essaye de se développer dans la foulée de ce qui se passait au niveau des, souvent des États, depuis une conférence qui s'est tenue à Bandung 10 ans auparavant, puis la naissance du mouvement des non-alignés, l'émergence du tiers-monde a pris cette forme d'une réunion sur l'initiative de dirigeants révolutionnaires du tiers-monde, dont notamment évidemment de ce qu'on appelait le tiers-monde à l'époque, dont Fidel Castro, mais aussi Mehdi Ben Barka, Nicar Cabral, enfin des personnages qui à l'époque, dont tout le monde parlait à l'époque, étaient des célébrités du mouvement révolutionnaire et des grands dirigeants de ces mouvements. Et se sont réunis à La Havane les représentants de ces trois continents du Sud, Amérique latine, Afrique et Asie, pour non seulement les dirigeants des États qui pouvaient éventuellement être dans le coup, notamment Cuba, bien sûr, mais aussi des mouvements de guérilla, mais aussi des partis politiques. C'était quelque chose qui était tout à fait original, des associations et également des représentants de mouvements un peu extérieurs. Par exemple, Josephine Baker, qui était présente, a réussi à réunir une première rencontre de gens du monde africain ou d'origine africaine, des États-Unis, des Antilles françaises, d'Afrique. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très original. C'est c'est une première conférence tricontinentale, il n'y en a pas eu une deuxième. Mais dans la dialectique tiers-mondiste révolutionnaire, et nous sommes en pleine guerre froide, on le rappelle, est-ce qu'il y a un bloc qui est plus rejeté que l'autre ? Oui, il y a évidemment dans ce mouvement ce qui se passe au niveau des États dans le mouvement des non-alignés, c'est-à-dire qu'en fait il y a une espèce de développement plus dans le rejet du bloc américain, des États-Unis d'ailleurs, plus que du reste. Ouais. Par exemple, la France n'est pas directement mise en cause dans à l'époque de cette conférence. Malgré l'affaire algérienne. L'affaire algérienne. Oui, parce que la guerre d'Algérie est terminée depuis 4 ans. C'est vrai. Et que à ce moment-là, bon, il y a évidemment on parle du colonialisme français à l'époque pour les restes de l'ancien empire colonial, mais ça n'est pas un élément majeur. Mm-hmm. La France n'est pas visée. Le Portugal l'est beaucoup plus, par exemple, évidemment, avec ses guerres coloniales. Et fondamentalement, les États-Unis. Donc, disons d'une manière un peu normale et équilibrée, du coup, l'Union soviétique est relativement épargnée, quand je dis relativement, parce que la Chine, à l'époque, pèse aussi de son propre poids. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est très difficile à définir avec les yeux d'aujourd'hui. Oui. Pas oublier qu'à l'époque, la Chine et l'Union soviétique étaient tous les deux dirigés par des partis communistes qui étaient en rivalité, qui avaient brutalement rompu l'un avec l'autre à la fin des années 50. Alors, vous parliez de la France, justement. On va écouter un extrait de l'interview de Régis Debray, parce qu'on va revenir à lui. Interview réalisée cette semaine, que vous pouvez retrouver d'ailleurs en intégralité sur le site de l'émission. Régis Debray raconte ici, au micro d'Adrien Mora, comment le général de Gaulle est intervenu auprès du général Barrientos, le Bolivien donc, pour lui sauver la vie. Il a dû intervenir un événement majeur pour qu'il n'y ait pas d'exécution. Je ne sais pas si c'est le télégramme du général de Gaulle, qui est une autre affaire familiale. Alors, il faut que je vous raconte pourquoi. Ma famille est de Calais. Et vous savez que de Gaulle est un homme du Nord, qui avait épousé Madame Vendroux. Et Madame Vendroux avait un frère qui était Jacques Vendroux, qui est devenu maire de Calais. Jacques Vendroux était très ami de ma grand-mère, qui était calaisienne et vivait à Calais. Et quand j'allais à Calais, petit enfant, je jouais au bridge. Je faisais semblant de jouer au bridge avec Monsieur Vendroux. Donc Vendroux se souvenait de moi. Et comme il était en très bon rapport avec le général, il a appelé de Gaulle, c'était en fin de semaine, à Colombey. Ce qu'on faisait très peu de gens appelaient de Gaulle. Et il faut comprendre pourquoi. À Colombey, il n'y avait pas le téléphone, ou plus exactement. Le téléphone n'était pas sur la table du général, mais il y avait dans l'entrée une cabine où le téléphone était là. Et donc, il fallait donc que le général se déplace. Et il détestait le téléphone. Mais Vendroux, étant de la famille, a été gonflé, il a appelé. Et il a dit, tu sais, le petit Debray avec qui je veux jouer au bridge, etc. Tu pourrais pas faire un geste, etc. C'est comme ça que le général de Gaulle est intervenu. Ça a été très important, mais c'est dû au hasard du bridge. Donc je vous recommande de jouer au bridge. Le bridge m'a sauvé la vie, vraiment. Barrientos, ça a été très, très stupéfait de recevoir ce télégramme. Mais attention, de Gaulle avait voyagé en Amérique latine et rencontré en Bolivie Barrientos. Barrientos connaissait de Gaulle. Et comme tous les généraux boliviens, enfin tous les généraux d'Amérique latine, et beaucoup, ils avaient un culte pour de Gaulle. Donc Barrientos reçoit ce truc de Gaulle, ça l'impressionne beaucoup. Et il dit à ses copains, bon, arrêtez avec Debray, pas besoin de le tuer, il se passe quelque chose. Voilà. Jean Mendelssohn, vous voyez, c'est une affaire presque privée, c'est des contacts personnels. Est-ce que ça veut dire que de Gaulle était admiré en Amérique latine? Oui, de Gaulle était extraordinairement admiré en Amérique latine. Et il y avait une relation particulière entre l'Amérique latine et de Gaulle, qu'on a bien perçu d'ailleurs pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait un courant extrêmement fort, bon, évidemment des communautés françaises, mais qui avait un appui considérable. Il suffit de voir l'explosion de joie qu'avait représenté à Montevideo, à Buenos Aires, à Santiago par exemple, pour trois cas que je connais également, au Guatemala, à Cuba, la libération de Paris. La libération de Paris a été vraiment fêtée dans les rues comme leur propre libération par des foules totalement inimaginable. Et de Gaulle était perçu, évidemment, ce qu'il était d'ailleurs, comme le chef de ce grand mouvement de libération. Et il venait de faire une tournée en Amérique latine, une tournée de plusieurs semaines, où il était passé dans presque tous les pays du cône sud. Il avait du sud. Il avait également fait cette tournée au Mexique avec son fameux discours. Enfin, disons que l'ensemble de la politique française à l'époque prenait en compte beaucoup plus qu'aujourd'hui l'importance de l'Amérique latine. La France, pays latin, et l'Amérique latine avaient des relations communes que de Gaulle avait très clairement explicitées dans les discours qu'il faisait pour l'Amérique latine depuis Londres. Et c'est quelque chose qui a beaucoup marqué et qui a été très présent pendant très longtemps en Amérique latine. France Inter, Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Jean Mendelssohn, est-ce que la révolution cubaine a constitué un modèle pour tous les militants tiers-mondistes, une sorte de matrice? Disons que, probablement plus pour beaucoup de mouvements en Amérique latine à l'époque, c'est-à-dire, je parle bien des années 60, début des années 70. dans le reste du monde, Cuba était vu comme une sorte de phare révolutionnaire, mais il y avait aussi l'Algérie, il y avait eu pendant un temps le Congo de Lumumba. Cuba n'était pas aussi influent. L'influence cubaine a été surtout forte dans les mouvements révolutionnaires et progressistes en Amérique latine, qu'ils soient guérilleros ou pas, puisque l'influence cubaine a été très forte dans les mouvements de la gauche péroniste en Argentine, dans l'unité populaire au Chili de Salvador Allende. Vous voyez, c'est une influence qui va très au-delà des mouvements guérilleros qui se réclamaient de la ligne, disons, stratégique de Che Guevara. Alors, Cuba fait partie de la tricontinentale, rejetant théoriquement dos à dos les deux grands blocs au nom de la défense du tiers-monde. Et puis, à un moment, Cuba se soviétise, donc c'est plus une troisième voie. C'est exact. La vraie rupture sur le plan idéologique, les intellectuels qui avaient été séduits par la révolution cubaine ont rompu au début des années 70 à propos d'un procès politique qui était un procès stalinien, disons, pour dire les choses d'une manière un peu courte. Mais la vraie rupture, elle est antérieure, elle date de 68, lorsque Fidel Castro fait un discours en août 68, assez stupéfiant à écouter aujourd'hui, puisqu'il est extrêmement critique sur le modèle soviétique. Mais en même temps, il termine en disant « Bon, ben voilà, nous n'avons pas le choix. Oui. Dans l'affrontement avec les Américains, il faut que le camp socialiste reste uni et donc nous soutenons l'intervention en Tchécoslovaquie. » Et à partir de ce moment-là, c'est le début de la soviétisation de la géopolitique. Alors, puisque Affaires Sensibles est un outil pédagogique, je voudrais qu'on soit précis, je voudrais revenir sur ma première question, à laquelle vous avez très bien répondu, hein. C'est pas le problème. On parle de la tricontinentale, il y a aussi les non-alignés, dont la Yougoslavie de Tito était un peu l'emblème. Est-ce que les non-alignés croisent le chemin de la tricontinentale, ou est-ce que ce sont les mêmes, finalement? Non, ce ne sont pas, c'est très différent. Les non-alignés, ce sont des États. Et puis dans les non-alignés, il y a des vrais États qui plaident pour un vrai non-alignement, notamment l'Inde, qui n'est quand même pas n'importe quoi. Donc, si vous voulez, c'est la tricontinentale. Il y a relativement peu d'États, et même les États qui sont là sont représentés par leur parti, le Parti communiste de Cuba, par exemple. Ça n'est pas le gouvernement cubain en tant que tel, mais s'il est la puissance organisatrice. Donc ce sont la tricontinentale, ce sont des mouvements progressistes, des mouvements politiques, des mouvements révolutionnaires, des guérillas, mais ce ne sont pas les États. Alors que les non-alignés, eux, c'est une réunion d'États. D'accord, c'est très clair. C'est très bien. Voilà. C'est très clair. Il reste quelques secondes. Non, j'ai même pas le temps de vous poser la question, mais quand même, vous avez été ambassadeur à Cuba de quelle année à quelle année ? 2010-2015. D'accord. En quelques secondes, l'image de la France à Cuba, ça tient en quelques mots ? Oh ben elle était très bonne, puisque c'était terminé d'ailleurs par une visite d'État de François Hollande, qui était le premier ou l'un des premiers, je crois même le premier, chef d'État occidental à visiter Cuba depuis la Révolution et même avant, si vous voulez. Donc il y avait de très bonnes relations. Très bien. Avec les divergences, les tensions, bien entendu, mais les relations d'État à État ont été en s'améliorant pendant cette période. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment pour vos éclairages, Jean Mendelssohn. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Régis Debray, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique, aujourd'hui, il y avait Philippe Duclos. Affaires Sensibles est un podcast France Inter.